Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture. Merci d'être fidèles à Un autre jour est possible, le réveil culturel de France Culture. Nous sommes le mardi 28 avril. François Chalin est toujours avec nous, c'est notre tête chercheuse de la semaine. Dans un instant, le deuxième épisode de la série Les faces cachées du Corbusier. Et puis, en deuxième partie, en compagnie de l'écrivain français Arnaud Bertina, nous évoquerons la vie et l'Amérique de Johnny Cash. Exposition Le Corbusier au Musée national d'art moderne à Paris. Je dis la ville verte, c'est-à-dire que profitant des techniques modernes, je dis on peut faire des gratte-ciel, mais non pas des gratte-ciel américains qui sont cocasses, qui sont des aigrettes de vanité, n'est-ce pas, mais des gratte-ciel modernes d'une grande contenance, lesquels permettent de dégager tout autour d'eux de gigantesques surfaces de circulation de piétons libre, n'est-ce pas, et d'automobiles sur autostrade, surélevées, là, quand elles sont en transit. Pour commencer notre série de la semaine, les faces cachées du Corbusier avec notre tête chercheuse, François Chalin, que je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est toujours un bonheur de vous avoir avec nous, François Chalin. Deuxième épisode, les utopies, les révolutions, parce que, effectivement, Le Corbusier va commencer sa carrière d'architecte alors que le monde est travaillé par les révolutions, les idéologies, l'envie de changement et les guerres aussi. Ben, le monde est d'abord travaillé par la guerre de 14. C'est un jeune homme. Il s'est établi à Paris en 1917. Il brûle un peu d'en découdre. Il a été réformé parce qu'il est borgne. Il se considère comme un type en mauvaise santé tout le temps, jusqu'à ce qu'un de ses amis lui fasse faire du sport. Longtemps, c'est un rachitique mal dans sa peau. Et puis, il est très honteux d'être suisse. Il les appelle les châtrés, il les appelle les impuissants, parce qu'il ne participe pas à la guerre. Donc, c'est un moment d'exaltation militaire de Corbusier qui n'ira pas extrêmement loin. Et sa vie démarre à Paris dans un moment de très grand basculement. C'est l'époque, le cubisme a déjà, si je puis dire, frappé avant la guerre de 14, mais c'est une époque de très grand basculement. Et lui en profite à plein parce qu'il crée avec un de ses amis français qui s'appelle Aux Enfants, qui est un petit peu plus âgé que lui, qui est un peu plus de bouteille que lui, très légèrement. Il crée une revue qui s'appelle L'Esprit Nouveau, qui va devenir une des plateformes de la réflexion sur l'art, sur la musique, sur l'architecture contemporaine. Quelles sont les fréquentations du Corbusier à ce moment-là? On sait qu'il il va très vite connaître Picasso, par exemple. Non, pas beaucoup. Il prétend qu'il connaît Picasso. Il prétend qu'il est à tel ou tel moment. Mais enfin, on sent que Le Corbusier est un type qui construit sa vie. Et il la construit, à mon avis, en grande partie comme un grand mensonge. Un mensonge auquel il croit. Il invente sa vie en fur et à mesure qu'il marche. Et il la déforme, il la transforme. Il prétend avoir été ami de Picasso. Il n'a pas été ami de Picasso. Pour une raison très particulière, c'est que Picasso avait le plus grand détestation de lui. Picasso, d'abord, n'était pas un type forcément très sympathique non plus. Mais Picasso n'aimait pas du tout ces deux peintres. Néophyte, Le Corbusier, qui avait presque jamais peint avant, et Aux Enfants, qui, en 1918, prétendent créer une école qui s'appelle le purisme, qui est là pour détrôner le cubisme, et qui, pour détrôner le cubisme, édite un petit manifeste qui déclare que le cubisme, c'est une vieillerie, un art décoratif, et qu'il faut absolument détruire cette chose-là. Picasso n'aime pas ça du tout, et il ne pardonnera jamais ça, Le Corbusier. De même qu'il ne lui pardonnera pas d'avoir participé à quelques opérations de spéculation. Il faut savoir que tout le fonds cubiste avait été mis sous séquestre. C'est un fonds qui est parti à Kahnweiler, le grand marchand, qui a été mis sous séquestre parce qu'il était considéré comme un fonds allemand, et il est vendu à Lancan en quelques séances de vente aux enchères, un peu tard, je crois que c'est en 1922, par Léonce Rosenberg. Le Corbusier achète des choses à bas prix, ce qui rend extrêmement mécontent Braque, Picasso, Metzinger et en général les cubistes. Donc il y a une antipathie complète entre eux. Simplement un jour, à force que Picasso le harcèle de lettres, qui sont des lettres d'ailleurs toujours très révérencieuses, très très, on sent qu'il est son inférieur. Et il se veut flatteur, enfin il est maladroit face à Picasso. Picasso accepte un jour en 52 de venir visiter le bâtiment de Marseille, la magnifique cité d'habitation de Marseille, et là des photos sont faites. On ne sait pas par qui, elles ne sont pas signées, et ces photos connaîtront une immense répercussion, parce qu'il faut bien que les deux plus grands génies, le plus grand génie de la peinture et le plus grand génie de l'architecture, aient été des amis. En fait, c'est une fiction, ils ne se sont presque pas rencontrés. Et ils ne s'aimaient pas, surtout. Surtout, ils ne s'aimaient pas. Enfin, Picasso n'aimait pas Le Corbusier. Alors, avec qui Le Corbusier va-t-il faire ses premières armes et s'installer et se distinguer des autres, François Chalin ? Il avait quelques amis peintres quand même, hein. Il était très ami de Fernand Léger, par exemple, à un moment. Il allait avec lui à la campagne, ils ont voyagé ensemble, il était très ami de Léger. À qui va s'établir ? Le Corbusier est un homme qui toujours connaît des crises dans lesquelles il refuse toute paternité ou toute amitié ancienne. C'est très important avec aux enfants. Un jour, il jettera aux enfants dehors. Mais aux enfants, l'inventeur de l'herbe de l'esprit nouveau et le co-auteur avec lui, il le met dehors. Il veut plus entendre parler. Et c'est arrivé assez souvent dans sa vie. Par exemple, c'est une chose très amusante. C'est la première œuvre de Le Corbusier, ou la première œuvre et demie, on ne sait pas très bien. C'est l'atelier d'aux enfants qui a été construit à Avenue Reille, à Paris, juste à côté de la retenue d'eau, là, des bassins de. Qui sont là, au bord des Maréchaux, quasiment, du parc Montsouris. Il y a des lettres pathétiques d'aux enfants, parce que Le Corbusier prétend que c'est une autre maison, sa première œuvre. Il met jamais le nom d'aux enfants, il met maison d'un collectionneur, maison d'un peintre, je ne sais plus, et il la classe toujours en second, pour humilier aux enfants, et pour qu'aux enfants n'aient pas la joie d'être le premier client de Le Corbusier, ce qui a été quand même indubitablement l'autre. Il y a un personnage beaucoup moins connu, qui s'appelait Bénus, qui était un critique d'art, et sa maison est presque en ruine, d'ailleurs. Donc c'est un personnage comme ça qui évolue. Avec qui s'établit-il ? Ben, il s'établit assez rapidement avec un cousin à lui, qui s'appelle Jeanneret. Comme lui, le Corbusier s'appelle Jeanneret Gris. Hein, son père s'appelait Jeanneret, sa mère s'appelait Gris. Jeanneret Gris. Donc il s'établit avec ce cousin Jeanneret, avec qui il montra une agence extrêmement professionnelle jusqu'à la guerre. Ils se fâcheront un peu au moment de la guerre pour diverses raisons. D'abord parce que Jeanneret est de gauche. On pourrait dire qu'il est sympathisant communiste. Le Corbusier est tout à fait à droite. Jeanneret deviendra résistant, Le Corbusier ira à Vichy. Puis après la guerre, il reprendra à son service Jeanneret qui a besoin de travailler, j'imagine, mais il l'envoie en Inde diriger son grand chantier de la vie nouvelle de Chandigarh. Et pourquoi Le Corbusier ? C'est quoi cette invention du nom Le Corbusier ? Alors c'est amusant parce que Le Corbusier, donc, s'appelait d'un nom assez courant, Jeanneret. Il y a pas mal de Jeanneret, même à Paris, il y avait deux ou trois peintres Jeanneret qui venaient tous à Chaux-de-Fonds, d'ailleurs, parce que dans cette région de Suisse, les gens portent souvent le même nom. Il y a beaucoup d'homonymes. Donc, et puis, il voulait un nom de plume. Ça se faisait beaucoup d'avoir un nom de plume. La plupart des écrivains et des artistes avaient un nom de plume ou un nom de marketing. Picasso ne signait pas Picasso à un certain moment. Il signait d'un nom beaucoup plus compliqué, Picasso Ruiz ou je ne sais. Donc, à un moment, il cherche un nom comme ça. Et aux enfants, enfin, selon la légende, aux enfants, son associé lui dit « Prenez le nom de votre mère, moi j'ai pris le nom de ma mère ». Il dit « Ah ben non, ma mère s'appelait Perret, comme Auguste Perret, c'est absolument impossible, c'était mon maître, puis maintenant c'est mon ennemi, c'est n'est pas question. » Alors il choisit ce nom de Le Corbusier. Le Corbusier, à vrai dire, c'est le nom d'un ancêtre, cathare donc, qui vivait en Belgique, et dont dans la famille on possédait un tableau à l'huile, qui existe toujours, il est toujours là-bas dans la maison, déposé par le musée de la Chaux-de-Fonds. Donc il y a ce personnage, cet ancêtre un peu mythique, il le connaissait peu, et il croyait qu'il s'appelait Le Corbusier. En fait, il s'appelait Le Corbusier, mais il ne savait pas très bien, la mémoire familiale avait transmis Le Corbusier. Alors il choisit Le Corbusier, qui lui plaisait aussi pour des raisons diverses. J'imagine qu'il s'est construit un peu une tête d'oiseau. Aux enfants, il avait une tête d'oiseau aussi. Le Corbusier aussi, il avait des lunettes comme ça, très fortes, comme un peu comme l'œil rond d'un corbeau. Et je pense qu'il lui plaisait assez de jouer sur l'idée de cet oiseau un peu dur qu'est le corbeau. Il écrivait à sa femme toujours... Ton doudou, parce qu'il s'appelait Édouard, mais il signait Croix, où il mettait un petit corbeau. Il s'est souvent identifié à un corbeau. Tardivement, même encore sur la grande porte du Parlement de Chandigarh, où il y a une porte, c'est une porte laquée, avec une sorte d'énorme fresque sur acier, il signe avec un corbeau. Et donc, ici, ce pseudonyme, pour lui, est traduit à la fois, peut-être, un certain attachement à cet oiseau un peu mythique des forêts du Jura, peut-être, des grandes forêts de sa jeunesse, mais aussi, j'imagine, à l'idée qu'il est un oiseau noir et un peu dur. À quel moment et pour quel projet Le Corbusier va-t-il cesser d'être un anonyme pour devenir quelqu'un de connu ? Ah, très vite, très très vite. Cette revue, c'est un homme extrêmement spectaculaire, donc il est très rapidement connu sur la scène française grâce à ses expositions de peinture ou à ses architectures qui sont stupéfiantes. Comme les villas des années 25, la villa La Roche, la villa Savoie, 25 à 30, sont des événements inouïs de révolution. Mais aussi... C'est-à-dire que ça se sait très vite. Ah bien sûr, oui. Il construit pour des gens extrêmement riches, pour des grands industriels, pour des milliardaires américains, des gens comme ça. Il est demandé, donc. Il est très demandé. Enfin, il est demandé, on ne sait pas, parce qu'il construit quand même pas mal de choses. Mais c'est quoi le déclic ? À quel moment Le Corbusier va devenir cet architecte que tout le monde veut avoir ? On ne peut pas dire que tout le monde veut l'avoir, parce que sa clientèle n'est pas immense. Il a en tout construit à peu près 80 bâtiments. il a fait à peu près 80 livres. Vous voyez, c'est pas, on peut pas dire, un personnage comparable comme Frank Lloyd Wright, l'architecte américain, d'une notoriété à peu près égale, a fait 600 ou 700 bâtiments. Wright a construit des villas par dizaines. Le Corbusier a construit, je vais pas compter, mais mettons 12 villas, ou 13, ou 15, mais pas beaucoup plus. Donc c'est pas une clientèle immense. Mais c'est une clientèle extrêmement huppée, extrêmement fortunée, les Steins, des gens comme ça. Et puis par ailleurs, sa notoriété croît du fait que sur la scène internationale, il est le plus spectaculaire des théoriciens. Il est le plus rigoriste, le plus brillant, celui qui a l'esprit de synthèse le plus grand, celui qui sait échafauder des slogans, celui qui sait dessiner qui fait des conférences stupéfiantes en dessinant à la main levée des croquis qu'il a préparés de longtemps et qui sont absolument explicites. Et celui dont les thèses sont aussi peut-être les plus outrancières, donc les plus captivantes d'un point de vue artistique. Et remet en cause le système établi à ce moment-là, Le Corbusier ? Tout à fait. À la fois au plan de l'architecture proprement dite, puisqu'il développe contre l'architecture ancienne, qui était d'abord ornée, qui d'autre part était faite d'une accumulation de matériaux divers, avec des artisans divers, qui chacun fait jouer sa partition, le charpentier, le briquetier, le marbrier, tout ça. Lui fait une architecture de béton armé, presque sans tout à fait sans ornement, et d'une définition géométrique extrêmement simple. C'est une extraordinaire révolution. Il invente des slogans comme les 5 points de l'architecture qui prônent que les maisons soient posées sur un sol artificiel, c'est-à-dire sur des pilotis, qu'elles ont un toit plat qui servira de terrasse ou de jardin éventuellement, que le plan soit libre parce qu'à partir du moment où on construit une carcasse et non plus avec des murs porteurs, vous n'êtes plus tenu par le rythme des murs, ce qu'on appelle les murs de façade ou les murs de refend. Il prône la fenêtre en longueur, la fenêtre panoramique, qui remplace la fenêtre verticale de la tradition. Vous voyez, c'est tout un autre monde qui se met en place, un monde saisissant. D'autres le font, en Allemagne ou ailleurs, mais lui le fait avec une radicalité, une constance et un sens du slogan qui le porte très haut dans la notoriété. François Chalin, est-ce qu'on peut dire que Le Corbusier est porté par une époque, une école, ou est-ce que c'est un cas unique qui se démarque des autres très vite ? C'est un cas unique qui se démarque des autres en ça qu'il est le plus spectaculaire de tous. Peut-être aussi le plus égoïste. Les autres ne l'aiment pas beaucoup, les autres architectes européens. Ils créent tous ensemble, en 1927, un groupe, une sorte d'international des architectes modernes, qui s'appelle les SIAM, Congrès International d'Architecture Moderne. Ils se réunissent chaque année, la première fois en Suisse, à Sarraz, puis à Bruxelles, etc. Un qui est très célèbre, c'est le Congrès d'Athènes, en 1933, qui réfléchira à l'urbanisme. Et il est là, extrêmement spectaculaire. Il est extrêmement spectaculaire dans tous les autres. Certains ont de très bonnes relations avec lui, mais beaucoup, notamment ceux de culture germanique, qui ont une éthique assez différente de la sienne, beaucoup moins de spectacle, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'échafauder une doctrine collective, entrent dans des relations un peu grinçantes avec lui. Relations grinçantes qui, après la guerre, seront marquées par une franche antipathie, parce qu'après la guerre, lui quitte complètement le rationalisme et la sécheresse d'écriture, si je puis dire, et la réserve d'écriture, en tout cas, pour se lancer dans la chapelle de Ronchamp ou des choses qui sont plantureuses, qui ont beaucoup plus de corps, qui sont beaucoup plus formalistes. Mais il est porté par cette envie de donner corps à quelque chose de nouveau ou juste par le désir de prendre à contre-pied ses contemporains Il est porté par plusieurs choses. Il a raconté qu'à l'école, on l'appelait le Messie. C'est lui qui le raconte. Mais s'il le raconte, c'est bien que quelque part, il avait ça à l'esprit. Même si on l'a pas dit, lui il pensait. Mais comme hier vous nous avez dit qu'il adorait s'inventer une histoire, Le Corbusier. En 1908, il est pas vieux, en 1908, il a 8 et 13, il a 22 ans, il achète sur les quais à Paris le Zarathoustra de Nietzsche, dans lequel, il faut se souvenir que dans peut-être la troisième page, on parle de Zarathoustra qui descend des montagnes pour construire la maison du surhumain. On dit surhumain, après on dira surhomme. Première traduction, on dit surhumain. Il est lui, c'est lui ça. L'homme qui descend des montagnes pour construire la maison du surhomme, c'est lui. Et après, avant de mourir en 62-63, 2-3 ans avant sa mort, il reprend le livre et il souligne les choses qui lui ressemblent. Et il écrit dans la marge « La main ouverte » qui est son slogan. Il dessine sa petite main ouverte. C'est un homme qui s'identifie. C'est une sorte de Jeanne d'Arc, c'est une sorte de Gaulle, c'est une sorte de Tintin. Il s'identifie à tous les grands mythes, notamment au Messie. Il change de nom à 33 ans. Il s'appelle Le Corbusier à 33 ans, comme si. Et il dit à ce moment-là qu'un être de pur esprit lui est apparu, qu'il n'est plus ce qu'il était, qu'il va se dépouiller de son ancien corps, de son ancienne image, qui restera son ancien nom pour faire de la peinture quelque temps, mais qui se dépouille, qui passe à autre chose. C'est un homme qui s'est inventé une trajectoire et une obligation. Merci François Chalin, on se retrouve demain pour la suite de notre série Les faces cachées du Corbusier. Je rappelle juste que vous avez publié un livre autour du Corbusier, édité par Le Seuil, dans la collection Fiction et Compagnie, un Corbusier. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et la chanson qu'on vient d'écouter, la chanson de Johnny Cash, a beaucoup à voir avec notre invité du jour. Bonjour Arnaud Bertina. Bonjour. J'ai appris à ne pas rire du démon. C'est une citation de Johnny Cash et aussi le titre d'un livre qui vous tient à cœur, puisque vous l'avez écrit, je crois, en 2006. Oui. Ouais, c'est déjà paru dans la collection des livres de Naïve. Vous le reprenez, vous le retravaillez pour le sortir chez un autre éditeur. Ça vient de sortir chez Helium. J'ai appris à ne pas rire du démon, avec donc le texte que j'avais gardé en mémoire hein, de 2006. Il y a toujours les trois chapitres, les trois dates dans la vie de Johnny Cash, racontées par trois personnes qui auraient pu le croiser un jour. Il y a un représentant de commerce, comme lui en 1954, hein, un vendeur de Bible, un shérif qui l'arrête en 1965, et puis enfin un producteur de musique. Mais tout d'abord, s'il fallait expliquer ce que représente Johnny Cash pour vous, Arnaud Bertina, maintenant qu'on vient d'écouter cette chanson, une chanson qui vous a donné envie d'ailleurs de connaître ce chanteur que vous connaissez ces dernières années. On peut pas dire que vous soyez un fan de la première heure. Non, de la première heure, ce serait difficile puisque je suis né en 75. Ouais, et qu'il est et que 75, c'est presque l'année du début de son déclin, c'est-à-dire la fin des années 70, il y a plus aucun producteur qui veut vraiment l'enregistrer. Et les années 80, ce sont des projets qui ressemblent plus à grand chose par rapport à ce qu'il a été, par rapport à la star qu'il a été. Non, en fait, en 2001, au moment où un ami me fait écouter cette chanson qu'on vient d'entendre et puis une autre, The Mercy Seat, qui est une reprise de Nick Cave, je découvre ces deux chansons sans rien savoir de Johnny Cash. Vraiment, même pas son nom, je l'ai jamais entendu citer, etc. Qu'est-ce qui vous touche? Une mélancolie, une colère, quelque chose de funèbre. Là, pas dans celle qu'on vient d'entendre. Là, dans celle qu'on vient d'entendre, il y a que ce côté très mélancolique. Mais par contre, dans The Mercy Seat, une colère et puis un ton sépulcral avec un orgue qui joue très très fort derrière, qui colonise la chanson au fil de la chanson. C'était une écoute musicale ou vous faites aussi attention aux propos, aux paroles, puisqu'il était auteur-compositeur, Johnny Cash. Exactement. Les paroles, vous savez, je parle anglais comme tous les Français. Donc les paroles, en fait, je les découvre qu'au fil des écoutes. Et donc à la première écoute, c'est vraiment le climat. d'abord qui me sidère. Et je suis pas en mesure à ce moment-là, je crois, de bien comprendre les paroles. Sauf si Desperado, évidemment, tout le monde comprend un petit peu de quoi il s'agit. Mais par exemple, ce qu'on vient d'entendre là dans la chanson, c'est quelqu'un qui, à force de douleur au fil de sa vie, s'est complètement recroquevillé sur lui-même. Et le conseil de la chanson, c'est justement au contraire d'arriver à être dans une forme d'assentiment par rapport à toutes ces douleurs, par rapport à cette vie passée, etc., et d'arriver à se décrisper et de laisser peut-être aussi des forces positives comme ça entrer dans sa vie. Et ça, par exemple, on ne peut pas le comprendre immédiatement si on n'est pas parfaitement anglophone. En revanche, vous savez, il y a aussi cette intelligence-là, comme ça, des intuitions, et que peut-être dans le climat de la chanson, on comprend quand même peut-être un petit peu tout ça d'emblée. Et donc en 2001, quand j'ai cet ami qui me fait écouter ces chansons-là, voilà, j'ai tout ça qui m'est donné, et presque instantanément, je sais que ce que va représenter Johnny Cash pour moi, c'est toute cette part de l'Amérique qu'on ignore complètement, qu'on connaît mal, tant qu'on n'y a pas peut-être habité carrément. C'est-à-dire que quand on a la chance de voyager, on connaît New York, on connaît San Francisco, Los Angeles. Et là, c'est l'Amérique profonde, ou l'Amérique des ploucs, ou l'Amérique rurale. Exactement, voilà, il naît dans l'Arkansas, il tient beaucoup à cette enfance-là, très pauvre, dans les champs de coton. Il en fera presque un motif de fierté par rapport à l'establishment de la musique country américaine. Et cette Amérique-là, on la connaît très mal. Et quand on en entend parler par les médias, on est toujours sidéré. C'est-à-dire c'est celle qui revote pour Bush une deuxième fois, c'est celle qui a des convictions religieuses parfois très délirantes, c'est aussi celle qui est encore aujourd'hui très très raciste, ce que n'était pas du tout Johnny Cash. Et donc j'ai eu le sentiment très vite que par lui, j'allais avoir accès à toute cette Amérique-là, à un certain rapport à la religion, un certain rapport au monde du travail, à l'idéologie du travail, à la fierté d'avoir un travail, etc. Pourquoi ne pas avoir enquêté sur la vie de Johnny Cash, signé une biographie? Pourquoi être passé par quelque chose qui est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction? Oui, c'est juste. Je suis pas biographe. Ça aurait été, dans ce cas-là, consacrer plusieurs années de ma vie à ce travail-là, ce qui n'était pas exactement mon désir. En revanche, je suis romancier et j'ai la conviction que le roman, la fiction, peut, par des chemins détournés, atteindre à la même, peut-être aux mêmes vérités au pluriel que la biographie ou que l'enquête sur les faits. Ça, je suis convaincu. Et donc, je disposais de quelques anecdotes sur sa vie qui me semblaient suffisamment fortes pour peut-être prétendre déplier quelque chose de cette existence-là. De cette existence, donc trois dates qui sont au vrai, mais trois personnages qui appartiennent à la fiction, ou pas tout à fait. Pas tout à fait, voilà. Les deux premiers sont effectivement des personnages de fiction. Le troisième, Rick Rubin, en revanche, le producteur, est un producteur qui existe, et c'est le producteur des dernières années, c'est-à-dire celui qui, en 93, vient trouver Johnny Cash alors que plus personne ne veut de lui, et lui propose à nouveau d'enregistrer, et dans des conditions très particulières, c'est-à-dire il lui dit « on s'enferme dans mon salon, et puis on enregistre tout. Tout ce que vous avez envie de chanter, on l'enregistre, et puis ensuite on travaille ensemble. » Et de fait, il va réinventer Johnny Cash, c'est-à-dire il va le sortir de certains réflexes musicaux, d'une certaine rythmique que Cash avait depuis 1954, et il va redonner à ses chansons comme ça une espèce de ferveur, de rugosité incroyable. Il va ramener Cash à ce qui a fait le brûlant de sa carrière musicale. Et vous, dans tout ça, Arnaud Bertinov, parce qu'on a l'impression que vous prenez un certain recul vis-à-vis de cette Amérique-là, de Johnny Cash. Oui, vous adhérez, vous l'aimez, cette Amérique, vous êtes fasciné, vous vous moquez aussi des bigots de cette Amérique-là? Oui, c'est juste de le dire comme ça, c'est-à-dire que je suis partagé, en fait. C'est-à-dire certains aspects de l'homme et de sa musique, surtout, qui me passionnent, que je trouve vraiment enthousiasmant, incroyable, très émouvant. Il y a d'autres aspects qui pourraient me pousser à me moquer. Simplement, j'aime pas tellement la moquerie. Donc, au moment même où je donne des billes à la moquerie, j'essaye de me soigner moi-même de ce penchant-là. Vous savez, l'ironie, c'est un truc très français, et souvent, j'ai l'impression que l'ironie a quelque chose d'un peu idiot. Et donc je raconte les anecdotes qui pourraient sembler un peu grotesques, qui sont des anecdotes racontées par Johnny Cash lui-même dans les deux autobiographies qu'il a écrites en 75 et en 93 ou 95. Et en même temps, j'essaye de ne pas les prendre qu'à la rigolade, ces anecdotes. C'est-à-dire, j'essaye de voir dans ces anecdotes peut-être grotesques, j'essaye de voir ce qu'il y a d'intelligent ou justement ce qui m'échappe à moi petite, occidentale, français, etc. J'essaye de vraiment de me frotter à l'altérité, en fait. Vous savez, souvent, quand on est face à quelqu'un qui réagit différemment, qui a d'autres modes de pensée, etc., on peut avoir le réflexe de se moquer, de trouver ça d'emblée idiot. Là, j'essaye justement de faire l'économie de ce sentiment-là, et j'essaye de... Mais par exemple, vis-à-vis du titre, j'ai appris à ne pas rire du démon, c'est le titre de votre livre, Arnaud Bertina. C'est une citation de Johnny Cash. Exactement, ouais. Alors, cette citation, elle vous fait sourire ou vous la prenez au premier degré ? Non, effectivement, au premier abord, elle me fait sourire. D'abord, elle me fait sourire parce qu'elle renvoie à quelque chose d'assez typiquement américain qui est de prendre la Bible comme un livre d'histoire, comme un livre d'histoire au sens scientifique presque du terme, donc avec des personnages qui ont réellement existé selon les dates qui sont données dans la Bible, etc. Donc, quand Johnny Cash parle du démon, pour lui, c'est presque la représentation que on peut en avoir dans les livres d'enfants, c'est-à-dire voilà un être cornu avec un trident, etc. Et puis surtout la citation « J'ai appris à ne pas rire du démon », ça veut dire que peut-être qu'il a été comme nous vis-à-vis de ses représentations, c'est-à-dire complètement détaché, et puis qu'au fur et à mesure, il a rejoint le troupeau des croyants. Exactement. Donc ça, dans un premier temps, ça me fait sourire. Dans d'autres cas chez lui, ça, je trouve ça assez poignant. Mais ce que j'essaye de faire justement, c'est d'essayer précisément encore une fois de ne pas me moquer, en fait. Donc je reçois cette phrase, je l'extrais du texte parce qu'elle me semble dingue et je me dis tiens voilà ça pourrait faire un titre pour le livre. Et en même temps essayons d'être touchés par cet homme qui est descendu si bas dans l'estime de soi, qui est descendu si bas dans l'amour des autres, dans la sociabilité, dans la vie de famille, qui a tellement tout cassé autour de lui. Parce qu'il y avait une telle douleur, une telle désespérance en lui, essayons de ne pas me moquer quand il dit ça, quoi. Et essayons d'entendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est vraiment, vraiment perdu, qui a eu très peur des forces auxquelles il s'est confronté, et qui a essayé quand même de garder la tête hors de l'eau. Il y a eu plusieurs épisodes qui s'apparentaient à des formes de tentatives de suicide ou de laisser aller vers la mort. À chaque fois, il a réussi à ne pas sombrer définitivement, à entendre un peu les gens qui étaient autour de lui, mais ça a toujours été très tangent. Et j'aurais beau jeu, moi, de me moquer de ce genre de phrase, enfin uniquement de me moquer, c'était pas tenable comme position. Qu'est-ce qui vous intéressait le plus dans ce livre, Arnaud Bertina ? Parler de cette Amérique, l'autre Amérique, l'Amérique profonde, l'Amérique qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas envie de connaître parce qu'on ne partage pas suffisamment d'affinités culturelles avec cette Amérique-là, ou c'était vraiment le personnage de Johnny Cash? Les deux, effectivement. C'était essayer de décrire comme ça à grands traits cette Amérique-là, avec son rapport au travail, son rapport à la religion, mais aussi la mélancolie de cet homme qui a eu la chance incroyable, ce qui n'arrive pas à tous les artistes, de renaître de son vivant, quoi. C'est-à-dire que... Et pourtant, c'est tellement une histoire américaine. Oui, alors c'est tellement une histoire américaine, c'est-à-dire les Américains adorent ces histoires de renaissance et de résurrection, etc. Pour ne pas dire de rédemption. De rédemption aussi, bien sûr. C'est-à-dire le pardon que donne l'Amérique à ces mauvais garçons, quoi. Donc il y a quelque chose, évidemment, de détestable là-dedans. Mais la beauté des derniers albums qu'il va enregistrer avec Rick Rubin me le rendait incroyablement présent, touchant, puissant. Et donc je voulais aussi décrire la mélancolie de cet homme qui est revenu de tout et qui a enfin accès à une forme de sérénité. Johnny Cash, J'ai appris à ne pas rire du démon chez Helium, ça vient de sortir. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Arnaud Bertina. C'était Un autre jour est possible que vous pouvez réécouter par le podcast disponible sur franceculture.fr à la page de l'émission. Dans un instant, les premières informations. J'espère vous retrouver demain. Bonne matinée sur France Culture.